d'Yverdon en raison d'un accident. Il est 13h30 et vous avez rendez-vous avec Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Le cri indien du peuple vénézuélien résonne à nouveau sur toute la terre héroïque du Venezuela. Dans l'ensemble, les Vénézuéliens se montrent particulièrement fiers des circonstances dans lesquelles se sont déroulées les dernières élections. Du Libertador. Faire de la littérature avec des articles de la Constitution, je crois que seul Bolivar a su le faire. À l'héritier. Être jeune et ne pas être révolutionnaire, c'est une contradiction quasi biologique. La mémoire de l'indépendance. Le Venezuela est victime de deux malédictions. La première, le pétrole. Et la seconde, sa proximité géographique avec les États-Unis. La droite et l'armée ont le soutien des grandes compagnies pétrolières, c'est-à-dire la puissance de l'argent. D'après certaines estimations, l'inflation devrait atteindre 4 000 000%. Le président always says all options are on the table. All options are on the table. All options are on the table. All options are on the table. Cette semaine, le Venezuela. Chapitre 2. Président à vie. 1819 est une année pleine pour le Libertador, Simon Bolivar. Pleine de victoires politiques, pleine de succès militaires. À la tête de son armée républicaine, Bolivar traverse les Andes et défait l'armée royaliste de Nouvelle-Grenade avant d'entrer triomphalement dans la ville de Bogota. À la fin de l'année, la République de Colombie voit le jour. Elle comprend le Venezuela, la Colombie actuelle, le Panama et l'Équateur. Après d'âpres négociations, les deux parties acceptent de signer un armistice. Jamais texte ne fut de si haute portée. Le traité signifie à la fois la fin de la guerre à mort et la reconnaissance de la Grande Colombie par le gouvernement de Ferdinand VII d'Espagne. Le vaste projet d'unité pour l'indépendance de Simon Bolivar est sans doute en train de se réaliser. Mais avant cela, bien des heures seront à passer au combat, car la paix est de courte durée. À peine une année passée, les combats reprennent, sur terre et sur eau. Au lac Maracaibo, à l'ouest de Caracas, une bataille navale voit les troupes de l'indépendance remporter la victoire. Et Bolivar regarde déjà vers l'Équateur, encore dominé par les Espagnols. Les troupes royalistes doivent désormais affronter un double front avec les offensives menées contre elles par le général Sucre qui marche désormais sur Quito. Quelques semaines plus tard, Bolivar arrive à son tour dans la capitale de l'Équateur. Deux mois plus tard, un autre libérateur arrive dans le petit pays andin. C'est le général José de San Martín. Il arrive tout droit du Pérou. Alors à ce moment-là, se passe quelque chose dans la vie de Bolivar, quelque chose de très gratifiant pour lui, c'est que... Gillette Sora, historienne. Il trouve enfin un lieutenant à sa mesure. C'était un jeune officier qui s'appelait José Antonio de Sucre, qui avait été au début plutôt dans le parti des Orientaux, vous savez, de ceux qui s'élevaient toujours contre Bolivar, et qui finalement avait choisi de venir combattre Bolivar, qu'il admirait beaucoup, qu'il appréciait beaucoup. Et Bolivar a découvert en lui des qualités exceptionnelles. Si bien qu'il a choisi Sucre comme lieutenant quand il est parti pour la campagne du Sud. Et il a envoyé Sucre en éclaireur, car il faisait une très grande confiance en ses qualités d'homme de guerre et de diplomate. Et Sucre est parti par la mer pour débarquer à Guayaquil et monter sur Quito, où il a gagné une bataille. Et Bolivar est descendu par les Andes et il a gagné. Il y a eu deux batailles qui ont donné l'indépendance à l'Équateur. C'est la bataille de Bombona, gagnée par Bolivar, et Pichincha, gagnée par Sucre. Et ensuite, ils se sont réunis à Quito, où il y a eu là encore une entrée triomphale. Et de là, le gros morceau était le Pérou. Car au Pérou, il y avait toujours un noyau de monarchistes. Et alors au Pérou était venu le libérateur du Sud, José de San Martín, argentin, qui avait déjà libéré le Chili et qui était rentré au Pérou. Il était rentré à Lima, il avait publié une déclaration d'indépendance. À ce moment-là, on peut dire que depuis l'indépendance, il y en a quatre. C'est Miranda d'abord, qu'il ne faut pas oublier, Bolivar, Sucre et San Martín. José de San Martín était donc au Pérou, mais le Pérou n'était pas indépendant. Il avait de grosses difficultés parce qu'il était coincé entre la mer et les Andes, et dans les Andes était toute l'armée espagnole qui finalement était partie et se réfugiait. Étant donné que les autres pays étaient déjà libérés, il n'y avait plus d'Espagnols, ils étaient tous au Pérou. Alors, San Martín et Bolívar se sont rencontrés à Guayaquil. Guayaquil est le grand port de l'Équateur. San Martín voulait refaire des monarchies et mettre à la tête des pays d'Amérique latine des princes de maisons royales européennes. Bolívar voulait que le régime républicain soit maintenu, et naturellement, Bolívar à l'époque était beaucoup plus fort que San Martín. San Martín est rentré à Lima et il a abandonné le pouvoir et il est parti. Bolívar est allé un an après au Pérou et appelé par les Péruviens. Car au Pérou, naturellement, il y avait une majorité monarchiste, mais il y avait tout de même des républicains et des gens qui voulaient. Et on a appelé Bolívar. Bolívar a envoyé Sucre en éclaireur, comme toujours, et ensuite il est allé et là, il a organisé le Pérou, car c'était un pays en pleine anarchie. Sucre et lui ont mis le Pérou sur pied de guerre avant d'entreprendre la guerre contre les Espagnols. Et là, il y a eu deux grandes batailles. L'une gagnée par Bolívar, la bataille de Junín, en août 24. C'est une bataille un peu extraordinaire parce qu'on n'a pas tiré un coup de feu. C'était uniquement une bataille à l'arme blanche. Puis ensuite, le Congrès de Colombie a retiré les pleins pouvoirs Bolívar, parce qu'on commence à avoir peur de lui. Et Bolívar s'est donc rendu à Lima. Il a laissé son lieutenant sur place. Il avait fait le plan des batailles, etc. Et c'est Sucre qui a remporté la dernière bataille de l'indépendance, qui est Ayacucho, le 10 décembre 1824. C'était la fin de la domination espagnole. Décembre 1824. Bolívar propose lors du congrès de Lima que les nations hispano-américaines s'unissent et fixent une position commune face aux autres puissances mondiales et à l'Espagne. Le congrès de Panama représente le premier pas dans la voie de l'intégration latino-américaine. Pour Bolívar, les nations hispano-américaines, auxquelles se joint le Brésil, doivent se présenter unies comme des pays frères. L'année suivante, le Libertador conquiert les provinces du Haut-Pérou. Sous sa direction, elles constituent une nation indépendante qui prendront plus tard le nom de Bolivie. Pour elles, le Libertador rédige un projet de constitution applicable, dans ses grandes lignes, à tous les autres pays que son épée a libérés. De nombreux décrets sont orientés vers la réforme sociale, la protection des indigènes, l'éducation, l'organisation des écoles, des universités, la construction des routes, le développement du commerce, de l'agriculture. Le progrès est au centre de l'ambitieux programme politique bolivarien. Le progrès en vue de l'autodétermination. Il ne suffit pas d'être indépendant de l'Espagne. Il faut également être libre. Et pour cela, il existe deux moyens. Le travail et le savoir. La mise en place d'un tel projet n'empêche pas le quotidien d'être toujours aussi mouvementé. Là, une révolution menaçant de dégénérer en guerre civile. Là, une crise économique. Ici encore, la corruption et la désunion qui semble jamais ne vouloir désarmer et sape en profondeur le travail désespéré de construction. Bolívar échappe aux attentats, déjoue le retour de la monarchie en Colombie, avant que des velléités d'autonomie ne viennent secouer la Grande République. Le Venezuela en tête de liste demande son indépendance. La Colombie et l'Équateur partagent la même intention. Bolivar, malade et épuisé, renonce à la présidence. Il s'en va vers la côte. Il a un nouveau projet en tête. Celui-ci n'a plus rien à voir avec les précédents. Il veut partir. Voyager en Europe. C'est une idée grandiose que de prétendre faire de tout le Nouveau Monde une seule nation dont toutes les parties seraient liées, puisque ces populations ont une même origine, une seule langue, une seule religion, les mêmes coutumes. Elles devraient ainsi n'avoir qu'un gouvernement pour fédérer les États constitués. Mais la chose n'est pas possible, car des cieux différents, des situations distinctes, des intérêts contraires, des caractères dissemblables divisent l'Amérique. Certes, il serait heureux que l'isthme de Panama devint pour nous ce que fut celui de Corinthe pour les Grecs. Plaise à Dieu que nous ayons un jour la fortune d'y tenir un auguste congrès des représentants de nos républiques, royaumes et empires, pour traiter et discuter des intérêts de la paix et de la guerre avec les nations des trois autres parties du monde. Et pourquoi cet organisme ne tiendrait-il pas ses assises aux temps heureux de notre génération? Mais non, c'est encore là un espoir sans fondement, semblable à celui de l'abbé de Saint-Pierre qui conçut la louable mais folle idée de réunir un congrès général qui décida du sort et des intérêts des nations européennes. L'assassinat à Berruecos du général Sucre, l'attitude de ceux qui gouvernent le Venezuela, tout le mine et l'incite à partir. Bolivar écrit un ami pour lui confier ses états d'âme. J'ai eu le pouvoir pendant 20 ans, je n'en ai tiré que quelques conclusions sûres. Premièrement, l'Amérique est ingouvernable pour nous. Deuxièmement, celui qui sert une révolution laboure la mer. Troisièmement, la seule chose que l'on puisse faire en Amérique est d'émigrer. Quatrièmement, ce pays tombera infailliblement entre les mains de petits tyrans. Moi, je pense que, et on peut revenir alors sur notre apprentissage intellectuel de Bolivar, que lorsque Bolivar a débarqué dans les années 1810 pour commencer son entreprise politique, a débarqué sur les rivages de l'Amérique latine, il venait d'Europe. Hubert Gourdon, historien. Il voyait l'Amérique avec les yeux de la littérature européenne. C'est une mauvaise expression que je dis là. Disons qu'il analysait l'Amérique au travers des ouvrages européens qu'il avait lus sur cette Amérique-là. Et c'est en tant donc que pur intellectuel qu'au premier temps, peut-être, il a agi. Et puis par la suite, que voulez-vous, il a appris ses Amériques. Au travers de toutes ces pérégrinations guerrières, il s'est bien rendu compte que, bon, eh bien, ces Américains n'étaient pas ceux que les anthropologues lui avaient présentés, ni même que les philosophes lui avaient présentés. Que c'était des, plus que des citoyens, que c'était tous des guerriers. C'était des individus qui n'étaient point civilisés suivant les normes européennes. Et alors, il a tenté une dernière fois, en 1828, de présenter un texte. C'est le texte le plus court d'ailleurs, mais c'était une tentative ultime. Et après, un an après, 1829-1830, au moment où il est mort, eh bien, il a dit que ce peuple était ingouvernable. Voilà. Alors il y a une unité, oui, dans son œuvre constitutionnelle et dans son œuvre politique, c'est vrai. C'est la volonté de créer, dans chacune des nations qu'il avait libérées, un État fort, un État structuré. Il est parti d'un État libéral, il est arrivé à un État dictatorial, et puis à la fin, il a dit, il n'y a plus d'État possible. Il faut penser surtout à ce texte d'Angostura de 1819, qui n'était pas la constitution qu'il préférait. C'est-à-dire, lui, sa constitution, c'était celle de 1826 qu'il avait proposée, qu'il voulait appliquer à la Bolivie. Mais lorsqu'on fait référence, c'est vrai, aux grandes œuvres constitutionnelles de Bolivar, on pense à ce texte d'Angostura qui est effectivement une véritable merveille. Parce que, bon, on trouve tout. Il y a d'abord la présentation de celui qui a rédigé ce texte, lui qui est un soldat glorieux et qui vient déposer auprès de la représentation nationale ses armes pour revêtir les habits du simple citoyen. Et puis ensuite, alors, ce qu'il propose, sa présentation de la société et ensuite les institutions à même de gouverner cette société. Et puis alors là, je dois le dire, moi je suis constitutionnaliste. Eh bien, je n'ai jamais eu l'occasion de lire des œuvres de cette dimension-là. représentée par d'autres individus. C'est vraiment, le droit est transcendé. Il devient presque une poésie. Faire de la littérature avec des articles de la Constitution, je crois que seul Bolivar a su le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces sociétés des Amériques étaient des sociétés dures. Très dures sur le plan des rapports intersociaux, interindividuels. Ce sont des sociétés qui ont engendré le caudillisme. Hein. Mais il existait, surtout au début de la guerre, au sein de cette société, des élites citadines, qui, elles, étaient cultivées. Ces créoles avaient leur intelligentsia. À l'intérieur de chacune des villes, eh bien, il y avait un groupe d'individus qui se piquaient de constitution, qui se piquaient d'élaboration constitutionnelle, qui voulaient présenter leur modèle de constitution. Alors, de ce point de vue-là, il faut bien le dire, Bolivar n'avait pas de chance. Soit il s'adressait à des individus qui se moquaient complètement de toute élaboration constitutionnelle, c'était pas leur affaire, c'était ce qu'on appelle des llaneros, des gens durs, des gens de la campagne, futurs caudillos, chefs de guerre, qui savaient quelquefois ni lire ni écrire. Donc, ce que pouvait écrire Bolivar, ce qu'il pouvait dire à propos des constitutions, ça ne les intéressait pas. Soit alors, il s'adressait à des gens super cultivés, pardonnez-moi encore cette expression, des gens qui, eux, avaient déjà rédigé leur propre constitution et qui non plus n'étaient pas d'accord, bien sûr, avec celle que leur présentait Bolivar. Alors, de ce point de vue-là, donc, il était doublement critiqué par des gens trop instruits ou par des gens qui ne l'étaient pas assez. C'est un procès qu'on a fait à Bolivar à l'occasion de cette présentation de cette institution qu'il a faite en 1826 hein, pour la Bolivie et qui a d'ailleurs été un peu appliquée. C'est-à-dire qu'il y a eu un président à vie. Ça a été le maréchal Sucre, qui était un des fidèles de Bolivar. Et à ce propos, donc, on lui a fait un procès, le procès de la dictature, déjà, avant même 1828. Parce que, effectivement, à Angostour, en 1819, à l'occasion de la présentation de sa première grande constitution, il l'a dit, il a été même formel, ce qu'il faut pour asseoir une république, c'est des élections répétitives. À partir du moment où il n'y a plus élection, il n'y a plus ordre républicain. Alors, on s'est interrogé sur cette présentation de la présidence à vie, en 1826. Et je crois qu'on a fait une confusion. C'est-à-dire que, à ce moment-là, Bolivar a poursuivi son analyse, mais son analyse personnelle des sociétés de l'Amérique latine, dite latine maintenant. Et il a conclu à leur état pratiquement ingouvernable. Il cherchait désespérément, tout en restant dans l'ordre constitutionnel, des gadgets, si vous préférez, des systèmes qui permettraient de faire de ces individus des citoyens obéissant plus ou moins spontanément aux lois. Et il a trouvé cette présidence à vie. Ce président à vie ne gouvernait pas l'État, il le représentait. Mais là encore, vous voyez, il y avait encore un coup d'œil à cette Grande-Bretagne, un coup d'œil très réaliste. Car il s'est bien rendu compte, Bolivar, que le roi d'Angleterre déjà ne gouvernait plus. Mais qu'il représentait une espèce de symbole dans lequel tous les Anglais, tous les Britanniques se reconnaissaient. Et c'est pour ça qu'il a présenté cette présidence à vie. Et bien sûr, il fallait un individu chargé de gloire qui aurait pu être ce président à vie. Il se voyait très bien, effectivement, dans ce rôle. Libéré des soucis quotidiens, libéré aussi des soucis guerriers. En 1826, il commençait un peu à être fatigué. Il aurait aimé être de temps en temps l'autorité, vous voyez, qui tranche sur les problèmes délicats. Et se promenant d'ailleurs de nation en nation, c'est-à-dire qu'il se serait vu très bien président à vie de toute l'Amérique latine. La mort va le surprendre à San Pedro Alejandrino, une hacienda proche de Santa Marta. Nous sommes le 17 décembre 1830. Au moment de mourir, il prononce ses derniers mots. Partons. Partons. Ces gens-là ne veulent plus de nous dans ce pays. Allons, mes enfants. Portez mes bagages à bord de la frégate. Frédéric Lang, on comprend mieux au travers de l'évocation de sa vie l'importance que Simon Bolivar aura pu représenter comme figure emblématique pour le Venezuela. Mais enfin, on mesure également l'isolement et la solitude dans laquelle il finira. Nul n'est prophète en son pays et Simon Bolivar a eu l'occasion de le vivre sans doute assez douloureusement. Comment peut-on expliquer au fond ce relatif isolement, même s'il avait un grand nombre de fidèles auprès de lui, qui aura pu l'accompagner jusque dans les derniers instants de sa vie? Écoutez, l'isolement de Bolivar, bon, c'est avant tout l'échec de son projet d'unification du continent. Finalement, il disait lui-même qu'il avait labouré la mer pour indiquer qu'il n'était pas parvenu au terme de son projet initial. Il ne faut pas oublier, bien évidemment, que c'est le libérateur de toute la partie nord de l'Amérique latine. Mais en ce qui concerne les pays plus au sud, il faudrait évoquer également San Martín. Mais je crois que justement cette allusion de Bolivar à son échec final, c'est avant tout la référence à l'échec d'unification du continent américain. Il y a quelque chose d'extrêmement symbolique d'ailleurs dans l'histoire des limites géographiques et politiques de l'Amérique latine, c'est que très souvent on retrouve les tracés des anciennes intendances qui ont été créées dans les années 1780 afin d'optimiser, pour ainsi dire, l'administration politique, économique, militaire également des colonies espagnoles. Dans le cas du Venezuela ou de la Colombie, on voit très bien que tous ces repères correspondent et bien souvent on retrouve aujourd'hui ces mêmes limites géographiques, parfois contestées bien entendu, dans les tracés actuels des frontières. D'ailleurs, concernant cet échec relatif, bien entendu, du libérateur Simon Bolivar, bon, c'est un projet qui a été repris en quelque sorte par le président du Venezuela, Hugo Chavez. On voit très bien que bon, son mouvement est appelé le mouvement bolivarien, c'est le projet bolivarien, c'est la constitution bolivarienne, et en fait le projet, ce qu'on appelle le projet chaviste, en référence au président Chavez, c'est en fait un projet qui n'est pas seulement d'importance nationale, qui ne se circonscrit pas seulement au seul Venezuela, mais c'est un projet continental, et on voit bien avec les relations, disons, internationales, les relations avec les autres pays du continent américain. Et en particulier tout un discours qui fait allusion à l'épée de Bolivar qui parcourt le continent latino-américain. Bon, mais ça, c'est tout le mythe bolivarien qui est repris aujourd'hui, qui est parfois critiqué d'ailleurs par certains historiens, parce que c'est un mythe qui a été conçu pour et par le peuple, qui ne date pas d'ailleurs de l'arrivée de Hugo Chavez au pouvoir. L'historien Germán Carrera Damas, historien et diplomate, l'a bien montré dans un ouvrage qui est de 1989. C'est un mythe qui a été utilisé par l'ensemble des gouvernants vénézuéliens, d'ailleurs, depuis le 19e siècle. C'est un mythe unificateur, malgré l'échec, finalement, du libérateur, mais qui a été repris, accommodé, finalement, par absolument tous les gouvernements vénézuéliens, qu'il s'agisse des gouvernements positivistes de la fin du 19e siècle, on le voit très bien avec le président Guzmán Blanco, ou les gouvernements, bon, de la période 1960-90, gouvernements populistes inclus. Et toute la cérémonie qui accompagnait le transfert des cendres de Bolivar au Panthéon national, bon, ça remonte à quelques années seulement, montre bien que Bolivar est encore un mythe tout à fait opérant concernant le Venezuela et une bonne partie de l'Amérique latine. Et pour vous, Frédéric Lang, en tant qu'historienne, portez-vous également ce regard qu'un certain nombre pose sur Bolivar? C'est un visionnaire, c'est un homme qui perçoit des perspectives pour le pays largement avant tout le monde. Bolivar a montré aussi bien dans ses écrits et son action que, effectivement, il avait une vision qui allait bien au-delà de celle de ses contemporains. Mais je crois aussi que Bolivar fait partie de ces personnages qui ont circulé, de ces idées qui ont circulé entre les continents. Il ne faut pas oublier qu'il a passé une partie de sa jeunesse en Europe, qu'il a visité l'Espagne, la France, dans une période d'effervescence révolutionnaire également, l'Angleterre, il a été en contact avec des loges maçonniques, c'est l'époque non seulement de la Révolution française, mais de tout ce qu'on a appelé les révolutions atlantiques, donc Révolution française et Révolution américaine. Donc c'est toute l'histoire des idées de Philadelphie. Donc Bolivar est un visionnaire, mais il est en même temps représentatif de toute une catégorie à la fois d'intellectuels, d'aristocrates également, qui ont voyagé à cette époque et qui sont des transmetteurs, sont comme des médiateurs politiques et culturels, ce qui explique d'ailleurs en grande partie cet aspect visionnaire et qui explique le fait que Bolivar, plus qu'un homme, c'est un mythe, pour ne pas dire un culte. Thank you.